Bon, j'y vais. Ça va aller, ne t'inquiète pas. Tâche d'être clair, précis et ne parle pas trop. Tu penses que je dois lui parler de mes problèmes d'horaire ? Ce n'est pas le moment. Si j'étais toi, je ne dirais rien.